veux trouver un. Et gagnant de la cerise sur le canto numéro 26, Lilian Renaud, qui a fait fi maintenant des maisons de disques et des agents artistiques et qui entend voler de ses propres ailes et qui malheureusement souffre d'un manque de diffusion. Lilian Renaud, on en verra encore. On peut croire qu'il ne reste rien sur la terre des hommes, que des combats sans fin sur une terre de poussière, sur la terre misère, sous le ciel de tes frères. Mais toujours restera l'amour dans les mains des enfants, par les cœurs qu'on bricole en papier de couleur. Et puis toujours, on en verra encore des pluies de je t'aime, des cœurs qui s'en mêlent dans les bras qu'on serre fort, et des sourires en coin sur les bancs des écoles où les amours éclosent. On peut croire que les étoiles s'éteignent sur la terre des hommes, que la vie qui se meurt sur une terre de poussière, sur la terre sans prière, sous un ciel perdu de lumière. Mais toujours restera l'amour sur la peau des enfants, par les cœurs qu'on dessine d'un crayon de couleur. On en verra encore des tas de je t'aime, des lèvres qui s'en mêlent, nous rêvera encore pour des danses sur la lune, des bougies qu'on allume pour des nuits d'amour. Allez, bonne chance à Lilian Renaud et place à la sélection du jour. L'album De l'autre côté de mon rêve, sorti en 1972, intègre la chanson Une nuit sur son épaule. Et si Michel Berger, l'amoureux délaissé, a peaufiné jusqu'à la perfection ce nouvel opus, Véronique Sanson avait déjà fait le grand jump au-dessus de l'Atlantique pour y retrouver à New York son amant Stephen Stills. Les deux tourtereaux s'épouseront quelques semaines plus tard et la chanson est maintenant reprise en duo avec Marc Lavoine, Une nuit sur son épaule, Véronique Sanson et Marc Lavoine. Maintenant Et maintenant, une chanson qui montre Charles Trenet dans sa maturité, synthétisant ses différentes inspirations, grivoises, fantaisistes ou mélancoliques, au cours d'une série de tableaux reliés les uns aux autres par d'apparentes coq-à-l'âne. La logique de l'ensemble rejoint le regard des enfants, qui acceptent tout, pêle-mêle, comme ça vient, et Charles Trenet indiquait avoir composé les premières strophes de cette chanson à l'âge de 7 ans et avoir ensuite retrouvé ces dites strophes dans le tiroir de sa grand-mère 50 ans plus tard. Et puis vous dire que cette chanson fut également interdite d'antenne. Vous écoutez bien, à cause des activités de la bonne, la folle complainte Charles Trenet. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons, qui brûle d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance accepte tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom. Give est actuellement une des plus belles voix de crooner. Il nous propose un voyage original, sincère et joyeux, où la musique est le remède universel et absolu de tous les maux. Ah, ça me fait penser au lezouk, qui est le meilleur médicament de la galette de manioc. J'entends par là, bien sûr, Kassav. Mais là, c'est la musique et mon remède. Give is aura. Elle est plus qu'un calmant. La musique est une comète qui dépasse les frontières et le temps. Elle est plus qu'un passe-temps. De vos âmes à la nôtre, le son fait que le courant passe. Pas besoin d'éloigner. de faire de trop belles phrases. Une note, un rythme, un chant et le reste s'efface. On parle tous la même langue, tu l'entends et ton cœur s'embrasse. La musique est mon remède, je l'utilise comme un médicament. Elle est plus qu'un calmant, ouais. La musique est une comète qui dépasse les frontières et le temps. Elle est plus qu'un passe-temps. Quand les mots peinent à peindre le mot de l'esprit, une mélodie les dessine. La mélopée met le doigt sur les cœurs meurtris et y diffuse sa médecine. Et peine et joie qui s'exprime dans des gesticulations et des cris. Le musicien les sublime et c'est toute l'humanité qui s'écrit. La musique est mon remède, je l'utilise comme un médicament. Elle est plus qu'un calmant. La musique est une comète qui dépasse les frontières et le temps. Elle est plus qu'un passe-temps. Ressemblance avec des faits qui ont lieu actuellement ne serait qu'une simple coïncidence, n'est-ce pas? C'est une chanson de 1906 d'Aristide Bruand, sidéré et outré par la décision des députés de se voter une augmentation de 6 000 francs, faisant passer leur indemnité de 9 000 francs à 15 000 francs par an. On est en 1906, bien entendu. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça n'a pas changé. Mais j'ai voulu la faire chanter, cette chanson par Patachou. Le confort d'écoute est meilleur. Au frais de la princesse Patachou. Voici l'opus numéro 6 des Sous-Loulogues d'Honoré. Les 6 000 francs au frais de la princesse. Ce sont les impressions chantées d'Honoré Constant, député de la Seine, après le vote de l'indemnité parlementaire. Vrai, c'est chouette d'être député, c'est pas un métier, c'est un rêve. On n'a pas besoin de comité, nous on se mettra jamais en grève. On se paie des gueuletons épatants, de la rigolade et de la gonzesse. On fout rien, on voyage tout le temps, au frais de la princesse. On vote pour le gouvernement, on est de mèche, on est solidaire. On s'en fout un peu du roulement et du repos hebdomadaire. On se fait rouler dans des sapins, dans des autos, dans des express. Comme les ministres et les rupins, aux frais de la princesse. Pourtant des fois, je me dis mon vieux, et tes électeurs t'y pensent guère.

extrait du premier album Anomalie, est une chanson du groupe Dub Silence. Basée sur Reggae Roots, la musique est influencée par les nombreux univers musicaux qui composent ce groupe. Et dans ce premier titre, Dub Silence scande son sentiment de liberté et son sentiment d'anormalité dans un monde où l'on fait croire que la normalité ne peut être régie que par des codes. Anomalie, Dub Silence. Une erreur de statistique, une anomalie. Ils nous prennent pour des machines, on doit courber les chines. Dans ce monde on perd nos racines, à cause de ce qui nous opprime. On n'est pas fait pour l'esclavage, ni pour être rangé dans une case, comme un code-barre dans un étalage, une statistique à vendre en nos cases. Moi je préfère rester dans la marge plutôt que de rentrer dans le moule. Il faut oser prendre le large, quitte à parfois s'attirer la foudre. Parfois le bon chemin n'est pas celui que prend la foule. Alors n'aie pas peur de tes choix et des conséquences qui en découlent. Je ne suis qu'une anomalie, une minorité. Ils veulent coller des étiquettes, mais sur moi rien n'a marché. Je ne suis qu'un bug, une erreur, un inadapté. Ils veulent faire respecter les codes, on est là pour les briser. Je ne suis qu'une anomalie, une minorité. Ils veulent coller des étiquettes, mais sur moi rien n'a marché. Je ne suis qu'un bug, une erreur, un inadapté. Ils veulent faire respecter les codes, on est là pour les briser. La bringue, c'est bien. C'est bien d'inviter tes voisins, bah oui, c'est vrai. C'est que judicieux. C'est pas con, mais pas con. Cela étant, il y a un truc assez étrange. C'est que souvent, il y a des gens qui achètent des appartements en face de café-concert, alors que ces gens-là ne supportent ni le bruit, ni la musique, ni les gens. Alors là, c'est con, c'est même très con. La connasse d'en face. Maggie Ball. Il y a des soirs comme ça où t'es avec tous tes potes en train de faire la bringue. Tout le monde est là, tu fais la boum, et la boule à facettes, pump it up. Et là d'un coup, ça tambourine à la porte. Parce que ça avait certainement dû sonner, mais on n'avait rien entendu. Et quand on ouvre la porte comme ça, c'est deux messieurs qui ne sont pas du tout invités, ces deux-là. Avec un petit papier à 78 euros dans les mains. Donc nous, ça nous est arrivé, on a essayé de payer une tournée de tapage nocturne d'avance. Ça n'a pas marché. Hein. On leur a dit, allez, on se cotise, on en paye une d'avance, repasser dans deux heures. On fait la bringue encore pendant deux heures. Ça n'a pas du tout marché. Et on n'a jamais su qui c'est. On n'a jamais su pourquoi ils étaient venus. Ça fait des mois, voire même des semaines, qu'on est tranquille dans notre impasse. Pas de bol pour nous, il y a une vilaine. Qu'a acheté l'appart juste en face de nos emmerdes, c'est que le début. Au moindre milligramme de teuf, chaque fois qu'un moustique éternue, elle nous envoie les cœurs. On organise un petit concert du punk rock, ça fait du bien pour faire valser les vieilles mégères et les sortir de leur train-train. Pas le temps de régler les fréquences, ni de chanter mort aux vaches. Elle s'est occupée des balances, des apocas vos moustaches. Il fallait pas fumer dehors, fallait pas inviter de copains. Il fallait pas demander encore quand ça touchait à sa fin. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. L'autre nuit à mon GG, c'est vrai qu'il s'est un peu lâché. Il ronflait comme un mec bourré. Pourtant l'avait plus que du petit lait. J'ai essayé de le secouer, un coup d'oreiller dans sa face, lui arracher les poils du nez, la réveiller la connasse. Je me lève la gueule enfarinée, je me fais couler un aspirine, le temps de me cogner le pied, et je fais tomber ma tartine. Suis-je encore en train de rêver? Mais j'entends hurler la voisine, j'ai fait trop de bruit avec mon pied, puis mon cacheton, puis ma tartine. Alors là c'est la goutte d'eau qui pousse mes mains dans les orties. Si j'avais joué de la chevrotine, oh, oh, je ferais des trous dans la voisine. Dites-moi pourquoi elle vit en face, la connasse. Dites-moi pourquoi j'habite en face de la connasse d'en face. Un soir comme pas les autres soirs, tu es décroché un looky. Je lui ai décollé sa mâchoire pour qu'elle arrête d'appeler les flics et pour être sûre qu'elle compose pas le numéro sur son iPhone. Je lui ai pété tous ses dix doigts, j'ai fait bouffer son téléphone. Maintenant elle fait moins la maline, mais moi non plus je fais plus la belle. Vu ma cellule de dégrise mine, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Elle s'est enfuie, elle court encore, de peur qu'une autre la fracasse. Mais comme pour se venger de son sort, c'est une pétasse qui a pris sa place. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Fallait juste pas vivre en face. Oh oh oh. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Il y avait de nombreuses dédicaces à faire sur cette chanson. Il y en avait tellement que ça nous aurait pris le reste de l'émission. Alors, bon, ben voilà, à tout ça. Philantre, de son nom Philippe Moreau, est né en 1985 dans une famille de musiciens et s'est lancé dans la musique très jeune en choisissant la guitare. Quelques années après, il a découvert Bob Marley et s'est orienté vers le reggae. Décidément, on est très reggae aujourd'hui, et j'espère que vous avez envie d'écouter du reggae, sinon c'est rappé. Il a depuis intégré un certain nombre de groupes, et son charisme naturel et ses qualités d'auteur-compositeur lui ont permis de s'entourer de musiciens talentueux. Ino Wally, Philantre. De ce jour où je t'ai vu pour la première fois, j'étais sur ma route en quête d'un nouveau départ. Tu étais là debout, puis tu m'as tendu les bras. Tu m'as dit d'une voix douce, mon ami, bienvenue chez toi. Pour ton sourire, Inou Wally, Inou Wally. Pour ta chaleur, Inou Wally, Inou Wally. Pour ta musique, Inou Wally, Inou Wally. Pour tes couleurs, Inou Wally. Oh, Africa, Wantanara. Je n'ai jamais eu froid quand tu étais près de moi. Je réchauffais mon âme à la chaleur de ton regard. Ta lumière, ta flamme me guidait quand j'étais dans le noir. Depuis ce jour-là, mon cœur brûle pour toi. Pour ton sourire, Inou Wally, Inou Wally. Pour ta chaleur, Inou Wally, Inou Wally. Pour ta musique, Inou Wally, Inou Wally. Tes couleurs, Inou Wally. Oh, Africa, Wantanara. Les tissus qui s'envolent, emportés dans tes danses. Les djembés qui résonnent au rythme de tes transes. Et ta joie qui rayonne sur des notes enivrantes. Depuis tu me donnes ces mélodies que je chante. J'ai vu dans

peut-être le dernier. Ça me rend morose, je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Puisque tu pars, c'est une chanson sortie en 45 tours en 1988 et cette chanson se classa troisième en France. Jean-Jacques Goldman y traite le départ, la séparation et tout ce que cela implique. Mais finalement, le départ n'est pas nécessairement triste. Il y a aussi des côtés positifs. Alors c'est une chanson qui a été reprise par de nombreux artistes, dont Jean-Félix Lelanne, Tracy Young, a été repris cette chanson au mandarin, Michel Leclerc, Céline Dion, Les Prêtres, Irma et Zaz en duo avec Vianney. Là, ça va être Jean-Jacques Goldman et les fous chantants d'Alès. Puisque tu pars, c'est un collector. Attention, 8 minutes de chanson, vous n'avez jamais entendu ça sur une radio. Seront aimés mieux que nous.